Dossier 0. Livre page 8. Question 4. Enseignant. Écoutez. Écrivez. Regardez. Levez la main. Ouvrez les livres. Asseyez-vous. Silence. Parlez plus fort. Répétez. Élève. Merci beaucoup. Excusez-moi. Je peux sortir? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à quelle page? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Comment on dit en français? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fini. Ça s'écrit comment?